Bienvenue, bonsoir et bienvenue à l'émission La Marge. Bienvenue, bonsoir. On a commencé l'émission avec une vieille nouvelle chanson. Exactement, exactement. C'était Black Rain de Soundgarden. Et c'est une pièce qui paraît sur le nouveau, sur Téléfantasme, dans le fond, qui est un nouveau greatest hit du groupe, un nouveau best-of. Je sais pas si c'était nécessaire. Aucunement. Surtout que le groupe en avait déjà un, plus complet, avec plus de pièces. Mais évidemment, ben là, pour l'occasion, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont sorti 3 éditions. Et l'édition simple est mise, est donnée avec le dernier jeu vidéo Guitar Hero ou Rock Band, là, je me rappelle plus. Ce qui fait que Soundgarden a été capable d'atteindre un sommet de vente de disques, parce que, veux pas, les copies sont vendues à Activision. C'est ou ça, je sais pas c'est quoi. Un bundle. C'est ça, sont bundlés, là, sont ensemble, avec complètement du réchauffé. Et cette pièce-là, malgré qu'elle est excellente, et je tiens à le dire, elle est vraiment bonne. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. On peut dire 20 ans. Là. C'était une pièce que le groupe avait oubliée parce qu'il la trouvait trop poche. Pour Bad Motor Finger. Et la seule chose qui a été retravaillée sur la pièce, ça a été le vocal de Chris Cornell. C'est la seule chose qui a été retravaillée. Et à quel point ça a été travaillé, je sais pas, honnêtement. Ben c'est dur à dire parce qu'en entendant la pièce, on est. En tout cas, c'est pas la voix de Chris Cornell de 2010, 2009. Non, là. Non, parce que je l'ai entendu chanter récemment c'est plus ça. C'était un pur massacre. Il a refait la pièce de Temple of the Dog, Hunger Strike. Mm-hmm. Il l'avait refait seul, comme ça, et c'était un désastre. Ben, il est plus capable de chanter au même registre qu'à l'époque de Bad Motorfinger. On le voit que c'est sa voix de l'époque, là, d'il y a 20 ans. Là. C'est ça, mais je sais qu'ils ont... C'est ça, là, mais... Peut-être retravaillé, remixé. Exactement, ou, là. Je sais que les refrains ont changé, ils ont retravaillé les textes, donc ils ont retravaillé la voix, peu. Peut-être. Mais à quel point, ça, on le sait pas. Mais, en tout cas, reste que ça demeure une excellente pièce et qu'elle peut se retrouver uniquement à date sur Téléfantasme, qui est disponible en édition simple, en édition deluxe avec un DVD, en édition double les DVD, et l'édition super deluxe qui contient 3 vinyles, 2 CD et le DVD. Une belle façon de faire un petit peu d'argent. Exactement. Alors, tout ça pour nous mettre un petit peu l'émission, pour commencer l'émission, là, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de l'émission. Ce soir, je sais pas si vous avez entendu certaines pubs qui a joué justement sur les ondes de CKRL aujourd'hui. Mais oui, ce soir, on va faire jouer The Flaming Lips, qui reprennent Dark Side of the Moon. À partir de 23h. Ouais, dans les environs de 23h. L'album dure à peu près une heure. On va se garder ça pour la fin. On va faire le moins d'interventions possible. Et justement, j'aimerais, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont une préférence... l'album est disponible. On peut le faire jouer soit en vinyle ou en FLAC. En FLAC, qui est un format audio non compressé, mais ça reste digital. C'est à votre choix. Nous, on le met pour vous. Alors, vous pouvez appeler en studio. Écrivez-nous, appelez. Oui, vous pouvez appeler en studio, directement en studio. J'ai le numéro. Je l'ai pas sous moi, le numéro. Là. Je l'ai pas à ma main. 640-1586. Merci beaucoup aux gens de Réaction Psychotique. Ou vous pouvez nous écrire par courriel studio à ckrl.qc.ca. Alors, comme deuxième pièce, comme pièce qu'on va mettre entre-temps, on va y aller tout de suite avec une pièce de And You Will Know Us by the Trail of Dead sur... Le classique, là, l'album classique Source Tags and Codes. C'est le meilleur. Ah, qui est bon cet album-là, c'est épouvantable. La pièce qu'on va mettre, ça va être Another Morning Stoner. Et ensuite de ça, on va y aller pour une petite pièce de Nada Surf qui se trouve sur le dernier album de Nada Surf, l'excellent dernier album de Nada Surf, If I Had a Hi-Fi. Et ça va être la pièce. une pièce chantée en genre de latin. Evolution. Evolution. Oh, un bel accent. Oui, exactement. Evolution. Alors, on y va avec ça. On va y aller avec Another Morning Stoner. And You Will Know Us by the Trail of Dead. Bonne écoute, vous êtes à la marge. We'll be right back. Alors, c'était l'excellente Evolution, originalement d'un groupe qui s'appelle Mercromina. La version qu'on vient d'entendre, on peut la retrouver sur le disque de Nada Surf, le dernier disque de Nada Surf, If I Had a Hi-Fi. Donc, on continue, ça c'est nos pièces musicales qu'on va mettre. Et justement, là, plus tard dans l'émission, comme vous le savez, on va mettre l'intégrale Dark Side of the Moon, mais repris par les Flaming Lips. Alors, on va mettre deux autres pièces des reprises de Pink Floyd. On va commencer ça avec un classique... un classique, moi j'en reviens pas comment cette pièce-là est bonne et presque meilleure que l'original. C'est la pièce Astronomie Dominée de originalement de Pink Floyd, mais là ça va être la reprise de Voivode. C'était sur l'album Nothing Face vers la fin des années 80. C'était un excellent album du groupe de Joliette. C'est Joliette? Oui, de Joliette. Et tout de suite après, on va y aller avec un groupe que j'avais vu en première partie de Placebo quand j'étais allé voir à Montréal. Il s'agit de Ambulance Limited qui reprennent Fearless. Et vous allez voir, ça va être excellent ça aussi. Alors on y va tout de suite avec Astronomie Dominée. We'll be right back. Votre station est à l'heure du web. Le saviez-vous? À partir d'un seul portail, accès à toute l'information autour de votre station ainsi qu'à toutes les communautés qui y sont attachées. CKRL.qc.ca. Écoute en direct, palmarès, programmation, sans oublier des accès à nos comptes Twitter et Facebook, ainsi qu'à ceux de vos émissions favorites. Cultivez vos goûts grâce au 89.1. Cultive tes goûts. CKRL ne dort jamais. À l'heure où les chats sont gris, le directeur musical Daniel Marcoux vous convie dans son univers panoramique. 7 jours sur 7, les nuits du directeur musical. Cultive tes goûts. Mercredi 19h30, c'est l'heure H, celle d'Hubert Tremblay. Musique naïve ou raffinée, le folk dans tous ses états. CKRL, cultive tes goûts. Alors, re-bienvenue en cette deuxième demi-heure de la marge. Les deux pièces qui ont joué, c'est excellent, Nicolas. Qu'est-ce que t'en penses? Pas si mal, hein? La petite pièce Fearless d'Ambulance Limited. Ambulance, qui est un groupe que je suis depuis quand même un bon bout de temps et que je n'avais pas encore entendu. Qui est actuellement au statu quo, là. Il n'y a plus rien qui se passe vraiment depuis... Ah, d'Ambulance? Ouais. Je sais pas. Ben, depuis 2006, depuis l'album, depuis le petit EP là, qui était censé être... un petit bonbon en attendant le deuxième album complet. Là, le deuxième album, il n'est pas, okay. pas sorti parce qu'il y a eu des problèmes. Là, la compagnie de disques a liquidé et a vendu le catalogue. Je sais pas trop. Ah oui? C'est un bon groupe. C'est un bon groupe. J'adore. C'est vraiment un bon groupe. Ça coûte tout seul. On a eu un appel tantôt. On tient à saluer Martin qui nous écoute à tous les soirs. À tous les lundis soirs. Excellent. On tient à le remercier de sa fidélité. Il nous a corrigé sur l'origine du groupe Voivode. Ben oui. Puis c'est correct. Oui. C'est bien correct. Groupe qui vient de... Jonquière, exactement. Alors il reste encore une demi-heure avant de mettre Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Soyez patient, ça s'en vient. Et je tiens à vous rappeler que si vous avez une préférence entre l'écouter entre le FLAC ou... Le FLAC qui est un format digital mais qui n'a aucune perte, ou l'édition vinyle, vous pouvez toujours nous appeler en studio. Nicolas, le numéro de téléphone est là. 640-1586. Merci. Excellent. Alors, vous pouvez toujours le faire. Et en attendant, on va y aller avec deux autres pièces. On va y aller avec une pièce de Alan Johannes. Qui est Alan Johannes? Contributeur de longue date de groupes tels... C'est pas le cousin de Evan? Non, pas okay. du tout. Je pense pas qu'il y ait aucun lien de parenté. Non? Petit cousin? Non. OK. Oui, c'est ça. Donc, artiste collaborateur de longue date de groupes tels que Queens of the Stone Age. Il est allé aussi avec, évidemment, Them Crooked Vultures. C'est lui, dans les clips vidéo, si vous regardez les clips vidéo de Them Crooked Vultures, c'est le chauve qu'on sait pas trop, qui chante, qui joue de la guitare. C'est le quatrième membre. Là. C'est ça, c'est le quatrième membre qu'on voit presque autant que les trois autres membres. C'est juste que probablement que son nom, il est pas aussi vendeur que Dave Grohl ou Josh Homme. Ou John Paul Jones. Quand même. Mais c'est justement, son album est sorti, ou il va sortir, je m'en rappelle plus. Il y a déjà trois pièces qui sont sorties sur son album et les trois sont vraiment bonnes. Si vous aimez le style Queens of the Stone Age, Mark Lanegan, Josh Homme, je sais qu'il a fait aussi partie des Desert Sessions de Josh Homme, vous allez aimer ça, c'est excellent. Et on va y aller, ensuite de ça, on va y aller avec une pièce de Christian Bland and the Resonators. Qui est Christian Bland? C'est le guitariste, un des deux guitaristes de Black Angels, qui a sorti un album solo limité à vinyle. Je pense qu'il y a quelque chose comme 300 copies. C'est vraiment tiré à très petit nombre. Et il y a eu un extrait qui est sorti. C'est l'extrait que je vais vous faire jouer. Et c'est ça. Ensuite de ça, on va revenir vous jaser un petit peu. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Voici Alan Johannes. Oh, my Alors, c'était Kristen Bland, une pièce de son album solo Excellente pièce, ICU. Petit trip psychédélique, là. Petit trip. Quand même, là, comme les Black Angels. Je sais pas si qu'est-ce que t'en penses, Nick. Là. Ça s'écoute très bien. C'est un petit peu atmosphérique. J'adore. Ah oui, c'était bon. Je connais pas beaucoup, mais j'adore. C'est excellent. Merci, Simon, de me faire découvrir de nouveaux groupes et des fois des nouvelles sonorités. Ben, ça me fait plaisir. Non, c'est... ça me fait plaisir. Ça me touche. De rien. Bon. On va continuer avec probablement une découverte. Et c'est à ça que ça sert, les thématiques libres. Et c'est pour ça que j'aime nos émissions thématiques libres. Ils reviennent une fois par trois émissions, si vous avez remarqué un petit peu. Là. Et justement, la semaine prochaine, l'émission sera portée sur le groupe de Seattle, Pearl Jam. Et attendez-vous pas d'y entendre Jeremy ou Alive. Non! Oubliez ça. Oh. On va vraiment se concentrer sur des trucs qu'on n'entend habituellement pas, surtout des projets parallèles ou les débuts du groupe ou des pièces, des faces B, des pièces qui apparaissent sur des compilations, des trucs comme ça. On va vraiment là, on passe, je dis pas qu'on n'en passera pas, mais ils ont tellement de matériel. Exactement. Il y en a tellement, on pourrait faire En fait, on pourrait faire une émission complète sur une seule pièce. Avec toutes les lives qui ont sorti, tu sais, que t'as fait, tu fais une pièce live tel soir à telle place. Ouais, ouais. La même pièce dans un autre show. Quand ils faisaient trois shows en trois soirs, mais il y avait trois CD live de sortie. Là, ouais. Là, fait, c'est. Là, un an d'émission sur Pearl Jam. Ils ont poussé la note un peu trop loin, je trouve, Pearl Jam avec leur live, mais bon, ça a peut-être mené à la perte plusieurs. Mais tu sais, pour faire le tour de la carrière, on pourrait faire une émission complète sur, en tout cas, singles et chansons plus connues, et une autre émission complète sur toutes les side projects, et ainsi de suite. Puis il y aurait encore du matériel pour en faire suffisamment. Oui, exactement. On va se contenter de 2 heures. Exactement. Il reste à peu près 15 minutes avant qu'on mette l'album culte de ce soir, Dark Side of the Moon, version Flaming Lips. Et on va continuer justement dans cette voie musicale avec un EP, ben en fait une pièce d'un groupe qui s'appelle Ghost Cube. Oui. Oui. Oui. Et la pièce qu'on va mettre, ça va être 35. Puis après ça, ben, on va se gâter un peu. Je vais mettre une pièce qu'on retrouvait sur une des trames sonores qui, selon moi, ben c'est quasiment une des meilleures trames sonores que j'ai entendu et que d'ailleurs j'écoute quand même une fois de temps en temps, c'est la trame sonore de The Crow. Quelle bonne trame sonore, sérieusement. Assez lugubre, dark. Là, exactement, il y a juste la pièce de Stone Temple Pilots qui jure dans ce paysage musical-là. Et évidemment, ça sera pas celle-là qu'on va mettre. On va mettre la pièce de Nine Inch Nails, Dead Souls, qui était une reprise de Joy Division, qui était... tellement une bonne pièce. Alors c'est ça, on y va avec ça et on vous revient tout de suite après. Bonne écoute tout le monde. Yeah! Ça ferait presque mal, ça. Ouais. C'est excellent. Ça fait presque mal. C'était vraiment bon. C'était Nine Inch Nails, Trent Reznor, qui reprenait Dead Souls de Joy Division. Joy Division, qui d'ailleurs fera l'objet... Oui. D'une émission avec ses nombreux projets qui ont suivi. Oui, tout ce qui a découlé de... Parce que la carrière en tant que telle de Joy Division n'a pas été longue. Là, l'héritage du groupe est assez, On parle de New Order. On parle de... Electronic. Il y a plein d'autres side projects. Le Bad Lieutenant. Oui. Nouveau groupe de... De New Order sans Peter Hook. Peter Hook, c'est ça. Je cherchais son nom. Peter Hook, qui a parti aussi Freebase avec d'autres bassistes. On va avoir du choix musical pour cette émission-là. Oui, ça devrait être excellent. Même New Order, même si c'est Sunshine Pop Happy, là, j'adore. C'est vraiment bon. J'adore. C'est bien fait. C'est écœurant. Hein? Ouais, alors c'est ça, c'était New Order. Il nous reste une petite pièce avant le Dark Side of the Moon par les Flaming Lips, puis on va se faire une petite transition à la Pink Floyd. Oui, avec David Bowie qui reprend See Emily Play. Pièce que j'avais entendue sur le coffret Shine On, il y avait un disque, là, Early Singles, ou je sais pas trop quoi. Oui. Et c'était là-dessus que j'avais entendu ça. Alors, on va y aller. David Bowie qui reprend See Emily Play. Bonne écoute. Tomorrow. Cultive tes goûts. Tubes et succès oubliés des années 70, 80, 90. Tout ça dans la boîte à cassettes de Jean-Philippe Deschênes. Les mardis, dès 20h. Cultive tes goûts. Dès 10h30 en semaine à CKRL, c'est en français que ça se passe. Cinq animateurs passent en revue le francophone sous toutes ses facettes. Écoutez Univers francophone. CKRL. Cultive tes goûts. Oui, alors, de retour à CKRL, à la marge à CKRL. On entame la deuxième heure. L'heure de vérité, comme dirait un certain Patrice Lécuyer. Et on tient à saluer Francis qui nous a appelé aussi que pour nous dire que si Emily Play provenait du premier album de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Exactement. Yeah. Et c'était une composition de Syd Barrett. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, et pas pour rire à part de ça. Alors, installez-vous confortablement, parce que là, ça va être terrible. En 72, 73, peu importe. J'étais presque né. 73, Dark Side of the Moon. L'année de ma naissance. 36 ans plus tard, en 2009, Flaming Lips sortent leur propre version avec Star Death and White Dwarves, Henry Rollins et Peaches. Attaboy. Et on vous part ça tout de suite. L'album commence évidemment avec Speak to Me et Breathe. Alors on vous part ça tout de suite et les interventions musicales seront, les interventions, ce sera minimal. Oui, les interventions justement au micro seront minimales. Alors on vous remercie énormément d'avoir écoutez la marge à CKRL, tripant en masse. Ça va être terrible. On s'amuse en Caroline, c'est incroyable. Puis comme dirait bien Simon, bonne écoute. Exactement. Good, merci, à la semaine prochaine pour Pearl Jam. I've been mad for fucking years. Absolutely years. Been over the edge for yonks. Working my buns off for bands. I've always been mad. I know I've been mad. For most of us. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad.

que peut tenter. You fear and waste the hours in an orphan way, kicking around on a piece of ground in your hometown, waiting for someone or something to show you the way. We'll be right back. never said I was frightened of dying. We'll be right back.

they're not going to kill you. So if you give them a quick, short, sharp shot, they won't do it again. Dig it? I mean, he got off lightly because I would have given him a thrashing. I only hit him once. Only a difference of opinion, but really, I mean, good manners don't cost nothing, do they, huh? Thank you. Et c'est sur ces paroles de Henry Rollins qui dit « There's no dark side of the moon. »« It's all dark. »« It's all dark. » qu'on finit ça. Sérieux, c'était... beau petit 45 minutes. Méchant trip. Méchant trip. J'espère que vous avez aimé ça. Ici, en studio, on l'écoutait à fond la caisse, comme on pourrait dire. C'était assez... assez intense. Très bon. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Et c'est quand même dur, c'est quand même dur de mettre quelque chose après ça. Qu'est-ce que t'en penses, Nick? Ben, on pourrait juste mettre une petite musique d'ambiance. T'as pensé à quoi? Du dungeon? Ouais, honnêtement, du dungeon, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe suédois. J'avais vraiment l'intention d'en mettre... durant l'émission que j'ai faite sur Kent et la musique suédoise, mais le temps a manqué et je n'ai pas pu. Honnêtement, je pense que ça doit être à peu près une des seules affaires que The Flaming Lips, je crois que c'est mutuel, que The Flaming Lips écoutent et se font influencer par et vice versa, que Dungeon écoute The Flaming Lips et se font influencer par... Alors, on va y aller tout de suite avec la pièce qui ouvre leur troisième album qui s'appelle Tadet Lunt. Ça va être la pièce Panda du groupe suédois Dungeon. J'espère que vous avez vraiment apprécié autant que nous The Dark Side of the Moon par les Flaming Lips. Et une belle interprétation de l'album. Oui, exactement. Vraiment. Et on vous invite à nous appeler en studio si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit. À nous, on est bien ouverts et on apprécie. Commentaires, suggestions de groupes, d'artistes. N'importe quoi. De chansons que vous aimeriez entendre aussi. Mais c'était quand même quelque chose. Méchant trip. Et c'est ça, on y va tout de suite avec la pièce de Dungeon Panda. Bonne écoute. Call me. C'était les très étranges Dungeon, groupe qui, comme je le disais, est probablement une influence mutuelle entre... Ben, c'est le seul groupe que je vois qui peut être... Oui, on pourrait dire... Ben, c'est sûr, Radiohead, là, puis Flaming Lips, sûrement. Oui, oui. Sûrement. Oui. Mais quand même, Dungeon. On pourrait croire à une collaboration intercontinentale. C'est, on dirait qu'ils... Je sais pas. Ils sont aussi psychédéliques l'un que l'autre. On dirait qu'ils s'appellent pour se dire « Hey, vers où on s'en va? » Exactement. Et justement, comme je disais, sont aussi, aussi psychédéliques l'un que l'autre. Dungeon, leur quatrième album est aussi excellent. Sérieusement, c'est un groupe à découvrir... et pour ceux qui voudraient justement pousser un peu plus les recherches, je vais vous appeler le groupe, comme ça devient plus facile à chercher. D-U-N-G-E-N. Dungeon. On appelle ça comme ça. Comme dernière pièce, avant de se quitter, cette merveilleuse soirée, justement, on va mettre une pièce des Flaming Lips. On continue toujours dans l'esprit... étrange et bizarroïde des Flaming Lips. Ouais, ça va être une belle finale. Là. Ouais, exactement. Alors, j'ai sur un single, j'ai réussi à me trouver la reprise de Knives Out de Radiohead, repris par les Flaming Lips. Ça, c'est assez spécial et c'est pas nécessairement le genre de truc qu'on entend habituellement à la radio. Alors, on tient à vous remercier énormément d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié le show, le spectacle, évidemment, autant que nous. Ça a été quand même une excellente émission de La Marge. Et la semaine prochaine, comme je disais durant l'émission, la semaine prochaine, on va se concentrer sur le groupe américain Pearl Jam. Ça va être un peu moins... Ça fait peut-être quelques émissions qu'on fait un peu plus dans le spécial. Oui, on va revenir aux bonnes racines grunge. Exactement. Et tout ce qui l'entoure. Ça fait toujours du bien aussi de revenir à nos racines. Et c'est ça, on vous prépare quelque chose de très, très fort pour la semaine prochaine. Des trucs que vous n'êtes pas nécessairement habitués d'entendre. Et c'est pour ça que ça s'appelle La Marge. Excellent. C'est excellent. Alors... On vous souhaite une bonne fin de soirée. Exactement. Et on se quitte avec Knives Out, version Flaming Lips. Cultive tes goûts.